Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Bétu, notre plus récente édition, nous présente l'actualité ciné et télé. On se rend intelligent en parlant de biocarburant. Oh, et on carbure d'une autre façon avec C'est un fait, Kinky, c'est que c'est un Medellin. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 8 novembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, bon matin, François. Bon matin, Mathieu. Bon matin à vous, les requins. Comment ça va? Ça va bien, toi, ça va? Ça va. Ouais, ça va bien. Ouais, good. Yes, sir. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'éulogie de ta dynastie tout de suite, toi? Non, écoute. Il a réussi à vendre son auto dont on parlait la semaine passée. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, je suis content. Je l'ai vendu hier soir. En fait, on n'est pas passé aux plaques. On est supposé faire ça aujourd'hui. Mais bon, c'est vendu, hein. Puis le montant espéré, pas ouais, de. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est. Écoute, formidable. Pour vrai, je suis pleinement satisfait. Je suis content pour toi, François. Merci, Mathieu. C'est super. Prends des photos. T'auras plus honte de mon auto? Non. Ben, bon. Tu sais, c'est un char de pimp. C'est un char de pimp! C'était amusant quand même comme voiture. Coup de cher de gaz! Oh, c'est ça l'affaire. Un char de pimp, coup de cher de gaz! Parlant de gaz, écoute, on va parler de biocarburant ce matin. Wow! Vers les 7h30, écoute, on va démystifier c'est quoi un biocarburant. Écoute, je pense qu'on a besoin. En fait, je crois savoir c'est quoi. Mais avance-toi pas pour pas avoir la foudre. Non, c'est ça, mais en fait, je peux pas vous l'expliquer, là, ouais. Vraiment pas. Mais en même temps, j'ai une question qui, je suis sûr, te brûle les lèvres, Mathieu Plante. Est-ce que mes pets peuvent être du biocarburant? C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est vrai que ton auto fonctionne à pet, c'est ça? Ben, je sais pas, non, mais en fait, c'est un gars. À pet, comme ton ancien dynastie. Hey, je l'ai pas vendu à pet, par contre. Ah, oui. Donc, ça va être en studio à 7h30, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. En direct. En direct. Dans la salle, la pièce qu'on a ici. Avant ça, en début d'émission, on va parler avec quelqu'un qui va nous jaser du livre Le Québec pour les nuls. Wow! L'histoire du Québec pour les nuls, en fait. Donc, on a l'historien et professeur Éric Bédard. C'est lui qui a écrit ce livre-là, donc on va en parler tantôt. Génial. Et je pense qu'on va essayer d'en partir un. Oui, exact. Un bon livre pour vous. Ça, c'est en début d'émission. Oui. Ensuite, à 8h, on aura Maxime Bétuy, notre plus récent nouveau chroniqueur. Finalement, un nouvel ajout. C'est sa deuxième chronique cette semaine. Sa chronique ciné et télé. Formidable. Il va nous parler là-dedans, entre autres, du nouveau James Bond. OK. Sort d'ailleurs vendredi. Oui, exact. Jodie Foster. Oh. Une nouvelle par rapport à elle. C'est longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Hein. Exact. Et les finales des séries Fringe et NCIS. Voilà. Okay. Et puis finalement, à 8h30, malheureusement, François Landry n'est pas avec nous ce matin. Non, c'est triste. Par contre, on va en profiter pour faire C'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. Et il va être tard dans l'heure. Un peu tard. Il va falloir faire attention à notre langage. Oui, c'est ça. Hein? Plus d'écoute, ça. Non, on se retient comme toujours. Sinon, ben, on va commencer l'émission tout de suite avec une pièce. Okay. Une pièce de musique, je dirais, une chanson. Une chanson? Damien Robitaille, qui lui est omniprésent. Damien, d'ailleurs, qui doit fièrement porter un moustache en ce mois de novembre. Hein? Je sais pas s'il a besoin d'un mois pour ça. Hein? Ouais, non, c'est ça. Pas sûr. Écoute, il supporte la cause à l'année longue. Oui, c'est un bon gaillard. Damien Robitaille, omniprésent tout de suite. Assemblage requis. Logique, je défile.

De Colin Moore à Assemblage requis. Quel artiste merveilleux. Ouais, c'est très bien. Ouais. Ça fait bien le matin, là. On était content de l'avoir en studio, tu sais, quand il est venu. Hein? Tu te rappelles la fois? Ouais, puis Alexandra Carnier, je pense qu'elle a trouvé bien beau. Oui. Oh, ouais. Ah. Même chose pour Damien Robitaille. Je pensais à dire même chose pour moi. Non, c'est ça, vraiment pas. Damien Robitaille qu'on a entendu avec Omniprésent au début du bloc. Tout à l'heure, François, on va recevoir Éric Bédard. Oui. Et, historien et professeur, on va parler du livre Histoire du Québec pour les nuls. OK, qui est sorti dernièrement. Ça sort aujourd'hui, en fait. Ça sort aujourd'hui. 8 novembre. Wow. Oui. Eh, hey, mais comment, on est-tu dedans ou on n'est pas dedans? On n'est pas dans le livre, malheureusement, non. Ben, ça, on ne sait pas, par exemple. Tu l'as-tu tout lu? Ben, pas jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin. Je vais regarder dans le petit glossaire. Ouais. Assemblage requis. Asselin, Oliver. Oliver, Asselin, c'est comme Assemblage requis. Ouais, c'est nous autres. On est dedans, on est là. Donc, on en parle tantôt, l'histoire du Québec pour les nuls. Pour l'instant, une nouvelle entrée de Bad for Lashes. Voici All Your Gold. 89 FM, on achète tout votre or à des prix ridicules, imbattables. Appelez-nous, 819-376-5183. Tout le monde achète l'or. On a-tu de l'or avant? Non. Non. Si on avait. Never see a big church steeple when I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. You're making only echo all his lies. I'm forever. composé ce poème à la clinique juste après ma quatrième dépression nerveuse. Un, deux, trois, quatre, qui a tué Charles Barker? Toi, espèce de salaud. La femme est la plus aimable et la plus brillante grâce à Dieu. Bonsoir. Dans le son de Higgs, par Biobazar, sur l'album Bon Context, son plus récent album. Et vous pouvez aller voir plus d'informations, en fait, aller voir tout ça sur Internet, là, dannyjanvier.com. Et il y a un nouveau site, là, biobazar.mu. OK. C'est tout neuf, wow, tout nouveau. Formidable. Biobazar.mu, ça amène vers son Reverb Nation, donc okay, sa page de, pour écouter de la musique de Biobazar. Formidable. Donc, biobazar.mu. Maintenant, on va écouter une autre dernière pièce, potentiellement, dernière ou avant-dernière, avant de parler de l'histoire du Québec. Et tu nous as choisi une pièce de Modest Mouse. Modest Mouse, oui, exactement. Formation que j'aime bien. En fait, que t'aimes bien aussi, je pense. Oui, à chaque fois que tu la fais jouer, je fais comme... Cool! Cool! C'est cool. On va entendre ça. Et d'ailleurs, c'est pas si cool que ça ce matin. Hein. Il fait, on est quand même bien. Relativement. Ouais, non, il fait moins un, genre. Ouais, c'est ça, non. C'est bien. Hein. Ça fait hier, du bien, c'était moins 5. Ah, hier, écoute, les fenêtres étaient complètement givrées. Ouais. Ça faisait du. C'est pas le bon givré comme les Frosted Flakes. Là, on parle là, vraiment givré comme des vitres, finalement. Donc, la pièce, Floland. Shout-out, ça. Cool. Slapped it on, it was all okay. Well, I'll float on anyway. A fish will make you too. get too heavy, we'll all float on. Modest Mouse. Modest Mouse. Ooh. Formidable groupe, formation. Et la pièce, c'était Float On. Exactement. François, maintenant, on a un invité spécial via téléphone. On parle avec M. Éric Bédard, docteur en histoire à l'Université McGill. Et c'est l'auteur du nouveau livre, L'Histoire du Québec pour les nuls. Bon matin à vous, ça va? Bon matin. Oui, bonjour. Très heureux de vous savoir. Merci. Oui. Oui, donc, en fait, la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi, en fait, le livre « Histoire du Québec pour les nuls » Ben, c'est un concours de circonstances. C'est, vous connaissez peut-être la collection, cette collection-là? Oui, oui, tout à fait. Hein? Alors, c'est une collection qui existe en français depuis à peu près 12 ans. Ça vient des États-Unis, « For Dummies », hein, aux États-Unis. En français, on a traduit ça par les nuls. Et l'éditeur français qui détient la licence a développé tout un secteur en culture générale, en histoire, dans toutes sortes de domaines de la culture générale. Et ça fonctionne vraiment très bien. Il y a un public friand de ça, un public de gens qui l'humilité de reconnaître que dans certains domaines, ils sont pas nécessairement nuls. Vous voyez, c'est un clin d'œil, mais ils ont des trous, ils ont des problèmes. Ils veulent combler ces manques-là. Et donc, ils se cherchaient quelqu'un depuis quelques années pour faire l'histoire du Québec pour les nuls. Okay. Un peu par un concours de circonstances, ils ont eu mon nom et j'ai accepté. Vous savez que je suis aussi chroniqueur au Journal de Montréal, que je fais des émissions à la chaîne Vox. Oui. Alors donc, je suis déjà habitué de faire l'histoire pour le grand public. Vulgariser. De vulgariser, c'est ça. Et puis Jacques Lacourcière a accepté de le préfacer, lui-même qui a l'habitude de vulgariser. Et puis voilà, donc le concours de circonstances était là. Et puis mon université de rattachement, la TELUC, où je suis professeur, ben les autres, ils encouragent ce genre d'initiative-là. Ouais. Donc, on parlait que c'était la série pour les nuls et on a parlé du public, des gens qui aiment apprendre des choses, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui connaît déjà un peu ou beaucoup l'histoire ne va pas apprendre de nouveaux faits dans ce livre-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation, c'est une synthèse de l'histoire du Québec, une synthèse, disons, plus assez traditionnelle en ce sens où c'est les grands événements politiques qui font partie de notre mémoire collective, la conquête, les rébellions, la confédération, la fondation. Il y a des aspects quand même assez nouveaux. Par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, j'ai tenu compte des recherches récentes qui ont été faites. Évidemment, c'est un livre qui est très à jour au niveau de la connaissance qu'on a aujourd'hui de l'histoire du Québec. C'est un livre à jour au niveau des connaissances, mais non, en effet, on risque pas de découvrir des choses révolutionnaires, mais je pense que je propose un récit qui est intéressant et qui tourne autour des grands événements et des grands personnages. C'est une histoire très incarnée. OK. Et quand on parle que ce livre-là, en fait, est à jour, on peut... c'est quoi, en fait, l'événement peut-être le plus récent qu'on peut retrouver dans ce livre-là? Ben, je vous donne des exemples. Alors, okay. Je vous donne des fois, c'est des détails, mais on connaît depuis quelques mois seulement la date de naissance de Samuel de Champlain. Okay. Et on sait qu'il est, quand il a été baptisé, c'était un protestant. Et ça, c'est quand même important. On s'en doutait, mais là, on a eu la confirmation. Donc, je pense que je suis un des premiers livres, finalement, même si c'est un livre de vulgarisation, à l'écrire. Hein, mention. C'est ça, à faire mention de cette découverte. Ensuite, je parle assez des grandes réformes introduites par le gouvernement d'Adélard Godbout, qui est un peu tombé dans l'oubli. Adélard Godbout, il a été premier ministre du Québec entre les mandats de Maurice Duplessis, donc entre 1939-1944. C'est quelqu'un qui a... C'est à lui qu'on doit le droit de vote des femmes, c'est à lui qu'on doit l'instruction obligatoire. Hein, jusqu'aux années 40, l'instruction n'était pas obligatoire. C'est à lui aussi qu'on doit la création d'Hydro-Québec. Okay. On pense qu'on a beaucoup parlé de René Lévesque la semaine dernière, mais René Lévesque n'a pas créé Hydro-Québec, il a complété la nationalisation de l'hydroélectricité. Donc c'est ce genre d'événements-là dont je parle. Je parle aussi de l'histoire récente du Québec, c'est-à-dire les deux référendums, celui de 80, celui de 95, la crise des accommodements raisonnables. Donc c'est un livre qui va vraiment jusqu'au printemps érable. OK. Wow. Formidable. C'est très récent. Toute l'histoire est là-dedans. OK. Donc, il y a des portraits de personnages marquants dans ce livre-là. Il y a aussi des grands sites historiques à visiter. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de personnages ou de sites qui sont connus? Les grands personnages, je vous citais, il y a vraiment de nombreux portraits que je propose de des personnages, disons, assez marquants qui ont joué un rôle important dans le destin du Québec. Ça va de Samuel de Champlain à une dame comme Marie de l'Incarnation, qui était la fondatrice des Ursulines à Québec, qui a laissé énormément de documents sur l'époque de la Nouvelle-France. Pierre Lemoyne d'Iberville, un grand conquérant, cavalier de La Salle, qui a fondé la Louisiane, en passant par Louis-Joseph Papineau, qui a été le grand leader des rébellions, Honoré Mercier, Marie Gérin-Lajoie, qui a été l'une des premières féministes à proposer le droit de vote pour les femmes, et ainsi de suite. Là, je propose comme ça plusieurs portraits. Et pour les sites, j'ai retenu quelques sites, j'aurais pu en retenir plus. Vous savez, par exemple, que le Rocher Percé, il y avait deux trous, par exemple. Oui. je parle de ce... Le Rocher Percé qui a tout de suite impressionné Jacques Cartier. À l'époque de Jacques Cartier, il y avait deux trous. On pense que la colonne s'est effondrée autour des années 1850. Je parle du site de l'île d'Orléans, qui était le berceau de l'Amérique française. Je parle évidemment de Tadoussac, un lieu absolument extraordinaire qui a été le site de la rencontre. Tadoussac, c'est là que Champlain a fait alliance avec les premiers Amérindiens en 1603. Et c'est un lieu qui a aussi impressionné les premiers explorateurs, parce que c'est très profond. C'est un lieu de rencontre pour les baleines blanches. Comme, bon, vous savez tout ça, mais... Donc, j'ai comme ça des sites où, dans le fond, je dis aux gens, c'est peut-être plus pour un lectorat, dans le fond, de nouveaux arrivants. Parce que moi, je vise beaucoup des Québécois, les Québécois qui ont des manques dans leur histoire, qui ont des trous, qui veulent se rafraîchir la mémoire, ou qui ont eu un cours qui était peut-être pas aussi intéressant qu'ils l'auraient souhaité, ou un prof moins motivé. Mais je vise beaucoup aussi les nouveaux arrivants. Je vise beaucoup les immigrants. En me disant, parce que des fois, je fais des conférences devant des immigrants, et ils me disent souvent, avez-vous un livre à nous recommander, un livre simple, clair, et je vise beaucoup ce public-là. Donc, pour ce public-là, tu sais, qui voudrait dire, bon, ben là, si je veux visiter le Québec, les lieux un peu spéciaux, où est-ce que je vais? Ben là, je propose comme ça des sites, des lieux, et voilà. Ouais. Et le livre, ben justement, c'est dans la formule pour les nuls qu'on connaît et qu'on apprécie. En tout cas, moi, j'apprécie normalement la formule d'avoir des petites cases faciles à lire. Le saviez-vous, là, des paragraphes à lire, des listes. Des icônes, hein, c'est ça. C'est peut-être un petit peu épais de dire ça, mais j'aime bien lire comme ça quand même. Oui, c'est ça. C'est parce que ça attire l'attention du lecteur pour dire, regardez, un fait important à retenir, un portrait, une anecdote. Oui. Le saviez-vous? Tu sais, par exemple, tout le monde voit sur les plaques d'immatriculation. Je me souviens. Mais ça vient d'où, ça, je me souviens? Ben oui. Qui est-ce qui a eu cette idée-là? La devise nationale du Québec, qui date de 1939, le gouvernement Lévesque a décidé de l'indiquer sur les plaques. Avant, c'était la belle province qu'on voyait sur les plaques d'immatriculation. C'était une formule qui était plus touristique. Pas le restaurant, là. Ben non, c'est pas un restaurant, c'est ça. Donc, c'est à partir de 77-78 qu'on a mis ça sur les plaques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai un encadré là-dessus. J'ai un encadré aussi sur, par exemple, quelle langue on parlait en Nouvelle-France? Quand est-ce que les Français ont eu l'impression qu'on avait un accent? C'est bien, c'est tard au 19e siècle, parce que au 17e siècle, on parlait le français de la cour en Nouvelle-France. Okay. C'est beaucoup plus tard que lorsque là on a arrêté de visiter, ou les Français ont arrêté de nous visiter parce qu'il y a eu la conquête et tout ça, que les Français ont eu l'impression qu'on parlait un français ancien. Mais au 17e siècle, on parlait le français de l'Île-de-France, de Paris. Et c'était et les gens étaient impressionnés par l'unité linguistique de la Nouvelle-France. Il y a aussi le petit hibou avec ses dates clés, donc pour avoir des dates en tête. Et même pour ceux qui se le demandent, parce que je suis certain que c'est une question que bien des gens qui lisent pour les nuls ont, oui, il y a des images au début des chapitres. Oui, il pourrait en avoir plus, mais l'accent est sur le texte, sur les explications et sur le récit. Exactement. C'est un très, très beau livre, très bien fait et très bien écrit aussi par M. Éric Bédard, historien et professeur. Encore une fois, on rappelle, il y a une préface de Jacques Lacourcière. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre-là, L'Histoire du Québec pour les nuls? On peut se le procurer vraiment dans toutes les bonnes librairies. Et si mes informations sont bonnes, aujourd'hui, il serait dans toutes les bonnes librairies à travers le Québec. Formidable. Merveilleux. L'Histoire du Québec pour les nuls, M. Éric Bédard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Professeur et historien Éric Bédard avec l'Histoire du Québec pour les nuls. On a une copie à vous donner, à vous faire tirer, en fait, si vous nous appelez au téléphone. Maintenant, au 819-376-5183, 819-376-5183. 418-476-5183. Ça peut être un très beau cadeau de Noël, d'ailleurs. Oui. Si fan d'histoire, là. Fan d'histoire, fan d'assemblage requis, appelez-nous. 819-376-5183. On prend une pause et on parle de biocarburant au retour. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. De Chinatown à Assemblage requis. Quelle bonne pièce, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Maintenant, François-Olivier Marchand. Oui, Mathieu Plante. Mathieu Plante, c'est ça. Je pense qu'on va parler de... Moi, biocarburant, samedi, ça doit être une sorte de café biologique, j'imagine. Peut-être que je peux mettre ça sur mes gaufres. Ou peut-être que je suis vraiment stupide et que j'ai besoin d'en savoir plus sur les biocarburants. Donc, on a un invité spécial en studio. Oui, Christophe Hébia, qui étudie ici à la maîtrise en génie industriel. Bon matin à vous. Bonjour. Donc, en fait, t'es ici pour nous apprendre un peu c'est quoi les biocarburants, parce que, en fait, moi et Mathieu, on est un peu incultes là, là-dedans. Donc, en fait, là, on aimerait ça savoir c'est quoi, ça s'adresse à qui. Mais en fait, vas-y, parle-nous un peu de biocarburants. On sait pas par où commencer tellement on est. Ouais, non, c'est ça, exactement. OK, bonjour à tous. En fait, les biocarburants, c'est vrai, c'est assez large. Ça regroupe, on va dire, le bioéthanol, le biodiesel. OK, donc, éthanol, diesel, ça nous dit quelque chose. Voilà, donc je vais me limiter à ces deux types de biocarburants-là. Donc, pour vite faire, le bioéthanol, on peut l'obtenir à partir de la biomasse. Donc, notamment les déchets de... Quand on parle de biomasse, ça peut être les déchets domestiques, le gaz, en fait, qui s'échappe de dessus après que ça fermente. Oui. En fait, là, ça, on va rentrer dans un autre type de biocarburant. Okay. Donc, en fait, je veux dire, pour venir à la biomasse, ça va dépendre un petit peu de la matière première que je vais utiliser. Si je prends de la canne à sucre, c'est sûr que je vais obtenir en bout de ligne du bioéthanol. Okay. Si je prends du jatropha, des grandes jatropha, que j'expliquerai tout à l'heure, je vais obtenir en bout de ligne du biodiesel. Okay. Donc, ça dépend, tout dépend vraiment de la matière première que je vais utiliser. OK. Donc, la canne à sucre, de l'éthanol, et puis du... Le jatropha, du biodiesel, par exemple, ou encore les déchets d'huile de cuisson ou avec lequel je peux obtenir du biodiesel. L'huile de cuisson, ici, on parle de l'huile de patate frite. Par exemple. Canola. Par exemple, oui. Canola. Par exemple aussi. Mais ça, on a déjà vu, en fait, dans les médias, il y en a qui transformaient leur auto. Le maïs, entre autres. Tout à fait. Et ça, le maïs également, ça permet d'obtenir de l'éthanol. OK. Oui. OK. Parce qu'on extrait les sucres, puis on les fermente et on obtient du bioéthanol par la suite. OK. Ma prochaine question. Oui. Écoute, je saute peut-être des étapes, tu me corrigeras. C'est pas grave. Mais pourquoi, en fait, pourquoi c'est pas commercialisé? Pourquoi les autos qui sortent, en fait, n'utilisent pas... C'est l'industrie du pétrole, j'imagine, qui empêche ça, non? Bon, en fait, actuellement, on va dire les biocarburants, c'est encore, on va dire, c'est naissant. Okay. Oui, c'est naissant. C'est pas encore à beaucoup point. Plus. Pas tout à fait, mais par exemple au Brésil, c'est déjà très très avancé du point de vue technologique et du point de vue vente, si on peut dire. Donc, les autres fonctionnent avec ça? Oui, il y a beaucoup. Hier encore, je suivais un documentaire où ils font fonctionner un appareil avec de l'éthanol. En fait, du biocarburant à partir de la canne à sucre. OK. À partir juste du jus de la canne à sucre, bien sûr, mélangé à du carburant normal. Ça, évidemment, on parle d'une ressource renouvelable aussi. Là. Tout à fait. Donc, pour en venir, notamment au jatropha dont je parlais tout à l'heure, pour obtenir du biodiesel, justement, c'est une graine qui pousse beaucoup dans les zones tropicales et semi-arides. OK. Donc, ça n'influe pas, justement, il n'y a pas de compétition avec la culture alimentaire. Donc, à partir de là, on récupère les grains, on extrait de l'huile et on procède justement à l'obtention du biodiesel. Bon, pas une technique qu'on appelle beaucoup plus la transestérification. OK. Donc, c'est ça. Bon, en fait, c'est un mélange de l'huile, d'alcool et on obtient du biodiesel. Bon, je ne rentrerai pas beaucoup plus. Non, c'est ça. Et en fait, ce gaz-là est extrêmement inflammable, j'imagine? Oui, tout dépend du procédé utilisé, en fait. OK. Donc... Oui, c'est de l'huile, bien sûr, c'est de l'huile, c'est flammable, donc c'est inflammable. Donc, ça tout dépend beaucoup plus de l'utilisation. Comment est-ce que l'huile est opérée, si on peut dire. Et puis, après, en fait, comment je pourrais expliquer ça? D'extraire l'énergie, là, une fois qu'il est inflammé, en fait, ça, j'imagine que en fait, il se dégage quand même des gaz à effet de serre. OK. Sûr, on s'en sort pas ou... D'accord. OK. Là, vous voulez me dire... Vous me demandez un petit peu quelle est la différence entre le biocarburant et le carburant actuel. Le carburant ordinaire. Bon, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est intéressant de s'orienter vers les biocarburants? Du biodiesel en particulier. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, en fait, oui. Oui, parce que on sait tous qu'aujourd'hui, le carburant normal produit beaucoup. Donc, pollue beaucoup, pardon. Ouais. Contrairement au biodiesel, dans la mesure où, lors de la production, il y a moins de déchets qui sont rejetés dans l'environnement. OK. En concernant le CO2. Donc, en comparant les deux émissions de CO2, celui avec le biodiesel est beaucoup plus faible qu'avec le carburant normal. Donc, il y a du mal, mais beaucoup moins de mal. Beaucoup moins de mal, bien sûr. Mais c'est vraiment négligeable par rapport au carburant actuel. C'est pourquoi, raison pour laquelle on devrait quand même s'orienter vers tout ce qui est énergie renouvelable pour diminuer justement tous ces gaz à effet de serre. Et tu dis aussi, c'est renouvelable. Tandis que le pétrole, en fait, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est renouvelable parce que, bon, en fait, c'est une plante qui pousse partout, qui pousse dans les milieux arides en particulier. Okay. Donc, ça veut dire, je disais tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de concurrence avec les matières cultivables, en fait, les matières pour la nourriture agricole, là. Ouais. Okay. Notamment le maïs. Ça prend beaucoup d'eau. Là, le jade frais prend moins d'eau par rapport à ces substances-là. Okay. Mais aussi, je pense qu'il y a une question, des gens se posent, pensent que le fait de cultiver cette plante-là, ça va envahir l'espace, c'est-à-dire on cultivera plus de jade frais, par exemple, que les autres cultures vivrières. Non, parce qu'il y a des études ou alors il y a des tests qui ont déjà été faits. Donc, les graines de jade frais, en fait, oui, les plantes de jade frais peuvent pousser simultanément avec certaines cultures vivrières. OK. Donc, c'est pour dire que les deux sont compatibles. Donc, on peut fonctionner avec. Et ça, ce sont des avantages, justement, par rapport au jade frais qui peut être vraiment une bonne source pour aller au biocarburant, okay, au carburant normal. OK. Je dois pas être le seul, mais jade frais, en fait, je pense que c'est la première fois que j'entends ça ce matin. C'est quoi? C'est nouveau? Ça sort de où? Le jade frais, c'est pas nouveau. On en parle depuis. Ben, on n'en parle pas dans le grand public. Pas dans le grand public, exactement. L'éthanol, c'est quelque chose qui revient plus souvent. Mais le jade frais, en tant que tel, je sais pas. Je n'ai pas entendu parler. Ça doit être technique. Ça sonne technique, c'est ça, exactement. Non, on ne pourra pas dire technique, puisque c'est une autre matière première, comme, disons, le maïs, parce qu'on entend parler beaucoup de maïs. Et c'est normal parce que. Le jade frais, on entend plus, c'est beaucoup plus dans les zones tropicales, comme je l'ai dit tantôt, en Amérique du Sud, en Afrique, donc dans certaines des zones. Des places plus arides, justement. Beaucoup plus arides. Et ce sont des zones propices, justement, à la production de la plante. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas ici. On n'en parle pas beaucoup ici et au Canada, entre autres. Mais pourtant, c'est un très bon élément. C'est-à-dire, même si on n'en parle pas ici, on peut justement s'en servir. Si on investit justement sur la plantation, on parvient à retour, on récupère les grains, on extrait de l'huile et ça peut être utilisé, importé, du moins. Okay. C'est ça. OK. Et puis, j'imagine que ça doit prendre quand même une quantité phénoménale pour faire le plein d'essence de graines, de plantes et... Bon, on parle généralement d'un ratio d'un kilogramme. En fait, pour un kilogramme de grains, on peut extraire à peu près un demi-litre. Un demi-litre. OK, tabarouette. OK, ça en prend quand même beaucoup de kilos pour faire le plein. Un kilo, c'est pas... c'est à peu près, là, pas le plein, mais je veux dire, le minimum qu'on puisse extraire à partir d'un kilogramme, on sait qu'on peut en tirer environ un demi-litre de carburant. Mais ça, de la ligne. Un jour, ça va être produit, de masse, ça va être quelque chose de commun, j'imagine. Tout le monde va pouvoir s'en servir pour justement savoir ça. Est-ce que c'est dans un futur vraiment éloigné? Est-ce que ça va être dans notre vivant? Ouais. On va voir ça, oui. Donc, ça s'en vient bientôt. Ça commence déjà. Okay. Il y a déjà... C'est sûr que nous, c'est encore en phase, on va dire... De test dans certains, mais il y a très peu quand même qui commencent déjà à l'exploiter. Mm-hmm. Mais il y a des usines pilotes un peu partout. Okay. Donc, ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est lancé. Ça s'implante. Donc, ça commence à s'implanter tranquillement, non pas seulement en Afrique, mais également en Europe. Okay. En Europe, ici, au Canada, on n'utilise pas encore les grains de jade frais, mais par contre, ce sont beaucoup plus les déchets d'huile de cuisson. Donc ça veut dire que ça va revenir, on s'implante progressivement. Okay. Et il faut ici également, comme ils sont encore en phase de rodage, c'est-à-dire trouver les meilleurs procédés pour diminuer justement les coûts de production. Okay. Donc c'est vraiment une industrie naissante, mais c'est sûr qu'à terme, ce serait l'idéal. En fait. Le meilleur, ce serait vraiment si à côté de chaque McDonald's, il y avait un tuyau dans le sol et qu'il y avait une station service juste à côté. Parfait. Directement, tu sais. Pas besoin d'avoir des grosses usines. Oh, il y a une frite. Ça ne passe pas par là. Il faudrait d'abord ce type d'huile, il faudrait certainement l'adapter, en fait. En fait, déjà, adapter le moteur. C'est ça. Tu as quelques modifications. C'est ça. Il y a des injecteurs, c'est pas la même grosseur. Ça dépend. Parce qu'en fait, si on prend l'huile brute, l'huile brute peut être utilisée déjà dans des véhicules. Parce que là, c'est en test actuellement. De l'huile brute, là, on parle de l'huile à moteur. Non, de l'huile extraite. on parle ici de la graine du jatropha. Donc si on extrait, c'est une fois extraite, elle est déjà utilisée d'ailleurs dans les voitures. Okay. Donc c'est en phase test. Mais par contre, si on veut l'industrialiser, si on veut vraiment le produire à grande échelle, il va falloir passer nécessairement par le procédé de transesterification, comme je disais tout à l'heure. Donc parce que c'est important. Mm-hmm. C'est juste ça. Et cela, ça demande justement une adaptation justement des moteurs. OK. Des moteurs, des fabricants aussi qui veulent bien emboîter le pas, ce truc-là. Est-ce que tu considères aussi que, là, si on reste toujours dans le domaine de l'automobile, que l'électricité est peut-être un concurrent féroce à ce genre d'alternative? Ou est-ce qu'il va y avoir des hybrides un jour entre ce dont tu nous parles à l'huile et l'électricité? Je sais pas, on avance. Désolé pour l'imbécilité de vos questions. Non, c'est les ça exactement. Les miennes aussi, je pense. C'est ça. L'objectif, c'est en fait, faire un petit peu les ménages et puis voir ce qu'on peut trouver. Non, je ne pense pas que ce sera un concurrent. C'est plutôt compatible, en fait. Okay. Parce que toutes les sources, actuellement, on parle des sources renouvelables, toutes les sources sont bienvenues. Parce que si on focalise sur une seule source, c'est sûr qu'on peut-être on butera actuellement comme avec le carburant, parce qu'on a pensé longtemps qu'on arrive jusqu'au bout. Qu'aux matières fossiles. On n'a jamais pensé à une alternance, dire, tiens, on va peut-être dans 50 voire 100 ans avoir un problème. Donc il faudrait bien parler à cela. C'est pourquoi je dis l'électricité, non, c'est pas au contraire. Pour revenir encore au jatropha, l'autre aspect qui est positif, c'est à partir toujours de la même huile qui est extraite, on peut justement procéder à l'électrification des villages. Okay. Donc, c'est pourquoi je dis il y a une compatibilité quelque part. Okay. Donc une fois l'huile extraite, on le met dans un... De l'énergie, tout simplement. C'est de l'énergie. Ça produit de l'énergie. C'est tout. OK. Donc, l'énergie pour la voiture et l'énergie pour électrifier les maisons. Formidable. Donc, tout simplement dans deux appareils différents. Formidable. Wow. Donc là, si on lit un peu entre les lignes, là, si on a de l'argent à investir, il faut l'investir dans les jeux. Oui, tout à fait. Tu vas être le prochain... Faites des dons en nous téléphonant. Oh, non. On va l'investir pour vous. Ouais. Non, mais c'est excellent. On souhaite le plus grand des succès tout à vos fait. Projets. Écoute, on peut pas, je pense qu'on peut pas être contre ça. Non, c'est ça. Il y a juste les industries pétrolières qui sont vraiment les grosses qui sont contre ça, j'imagine. C'est pas mal tout. Oui, mais en fait, on va dire de façade. De façade, mais il y a quand même pas mal déjà de grosses industries qui collaborent, qui investissent pour la recherche, le développement. Ils ont pas le choix pour leur image un peu, je pense aussi, peut-être, non? On n'en parle pas beaucoup. Non, on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'ils vont vraiment tâter le terrain, s'assurer également que... Pour pas mourir eux-mêmes si jamais on manque de... C'est ça, exactement. Ils voient ça venir, là. Donc, c'est ça. Formidable. Écoute, y avait-tu des choses que tu aimerais rajouter par rapport aux des questions pertinentes, mettons? Ou écoute, tu veux revenir nous expliquer un autre phase de bien beau. Ah, mais je ne dirais pas non. Ça me ferait plaisir de revenir peut-être réexpliquer un peu plus en détail ou aborder un autre volet, justement, de la question. OK. Mais pour conclure, je dirais quand même que, tout simplement, le jatropha, comme je disais, c'est vraiment... on va dire pour moi le carburant du futur. Okay. C'est un agrocarburant, c'est très important parce que, pour me résumer un petit peu, il y a une diminution de pollution de gaz à effet de serre et pas de compétition avec les cultures alimentaires. Okay. Également, protection également des sols, d'érosion, parce qu'on utilise des terres qui sont complètement abandonnées, des terres qui ne sont pas cultivables. Donc, il n'y a vraiment pas vraiment un impact, justement, sur, comment on appelle ça, la population humaine. Mmh. Et justement, au niveau également des produits secondaires qui sont tirés de la production, on peut faire l'électrification. On peut également utiliser dans des industries cosmétiques. Donc, c'est-à-dire, une fois j'ai mon huile, je transforme, j'obtiens mon biodiesel et comme déchet secondaire, j'ai de la glycérine qui peut être utilisée dans les industries cosmétiques ou encore mon huile extraite au départ que je peux directement utiliser pour électrifier les maisons, bien sûr, en passant par des groupes électrogènes. Donc, ce sont des points quand même assez positifs pour une plante de ce genre qui est restée, on va dire, dans les oubliettes pendant longtemps. Ça, parce qu'elle a toujours existé, mais ce n'était pas son usage premier. Oui. C'est quoi son usage premier? Juste en fait, quand je dis usage premier, c'est parce que il y a longtemps, elle était beaucoup plus utilisée, elle était utilisée pour soigner des petits bobos. OK. Rhumatisme, médicaments, ou... fabriquer du savon également. Ça, c'est, des produits naturels. C'est aussi un autre élément, le savon artisanal. Donc, on n'avait vraiment pas ciblé encore l'aspect agrocarburant. Okay. C'est ça. Ouais. Formidable. Ben, c'est merveilleux. Monsieur Bia, merci beaucoup. Quand vous voulez, aussitôt que vous voulez revenir, vous nous appelez. D'accord, ça me ferait plaisir de revenir. Si je peux me permettre de glisser un jeu de mots. Oui. Oh. Je vais essayer de l'acclimater à notre studio. J'ai très, très hâte au futur, tu sais. Ou, c'était quoi? J'ai trop fantasmé sur, tu sais, avoir une meilleure jatrophage. Non? C'est pas comme ça qu'on prononce. Je suis pas très fort. C'est pas grave. C'est ça, quoi. Moi, je suis bien, bien fier en ce moment. On va retourner en musique, écouter The Darkness. Après ça, on vient avec notre ami Maxime Bétuy. Bétuy. Ça vient de parler de cinéma et de télévision. J'atrophe. C'est pas comme ça qu'on prononce ça. J'atrophe. I will give you a message. A message of death. When you cycle through the city at night. In your head. Nothing's gonna stop us, c'est rien. Nous nous empêcherons de faire une deuxième heure d'assemblage requis dans quelques minutes. Et on aura la chronique ciné et télé avec Maxime Bétuy qui va nous parler, entre autres, de James Bond, qui sort un nouveau film demain. En fait, pas James Bond parce qu'il n'existe pas. C'est pas lui qui sort le film, en tout cas. Jodie Foster, Fringe, NCIS, un paquet d'autres choses. C'est ciné et télé tantôt. Et aussi la chronique C'est un fait kinky, Sexy Time Edition. C'est dans la deuxième heure d'assemblage requis. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est fou. Pour l'écouter, c'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 8 novembre 2012. François-Olivier Marchand est là. Mathieu Plante aussi est là. Là où vous ne le saurez jamais. C'est un mystère. Ben non. Non? Ben non, t'es là, là, là. Là, il fallait prendre des photos, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, là. Pendant que je suis là. Donc, dans cette deuxième heure, on va parler pour commencer de cinéma et de télévision avec Maxime Bétuy, notre plus récent nouveau chroniqueur. Là, il a fait sa première la semaine passée. Salut. Salut. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça a l'air en forme. Ouais, la forme. Ouais, la forme. Commence à faire un peu froid, mais la forme. Ah, ça sent bien, hein, l'hiver. Oui, ça sent bien. Est-ce que t'es au Québec depuis longtemps? Depuis fin août. OK, donc t'as pas vécu l'hiver encore? Non, mais voilà. Je pars mi-décembre, donc est-ce que... Il reste pour le meilleur, ben le meilleur. ou à décembre n'est pas nécessairement le meilleur. Ouais. C'est ça. En tout cas. Bref, on parle aujourd'hui de plusieurs sujets et je sais que qu'on va aborder le sujet de James Bond, donc tu sais, je vais essayer de faire mon britannique pour le reste de la chronique. OK. OK. OK. Okay. C'est mon britannique, ça. OK. Ouais. Commençons alors. Ben oui, cette semaine, j'ai revêti mon plus beau smoking et j'ai laissé l'Aston Martin garé devant la chasse-galerie parce que... Est-ce qu'il y a de la place autour de la chasse-galerie en ce moment? Non, wow. Pas trop, mais bon, c'était pour le coup de le dire. Parce que demain, James Bond fait son grand retour au cinéma avec Skyfall, le 23e film de la franchise. Il s'appelle Skyfall au Québec aussi? Je sais pas. Pense que oui. En chute libre sûrement, non. J'ai aucune idée. Je sais pas, c'est une bonne question. Donc vous l'aurez compris, l'agent 07 est un vieux de la vieille. Voilà maintenant 50 ans que le public s'émerveille devant ses aventures, si bien qu'on le considère un peu tous comme un cousin éloigné qu'on se plaît à revoir tous les 2-3 ans avant Noël. Il est tellement populaire chez les Anglais qu'il a même réussi à faire sauter sa glorieuse majesté Elisabeth II d'Angleterre d'un hélicoptère pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres l'été dernier. Vraiment, j'ai manqué ça, moi. Ah, vous avez pas vu ça? Non. Ah, courez sur YouTube, vous tapez James Bond JO, c'est juste magnifique. Il y a Mr. Bean aussi qui avait fait quelque chose. Oh, oui, oui, ça, je l'ai vu. Je suis un fan de Mr. Bean. Oui, c'est drôle. Donc il suffit de quelques chiffres pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène depuis 1962. James Bond, c'est 23 films, 21 aventures littéraires, 6 interprètes, 5,89 milliards de dollars de recettes au box-office. Wow. C'est la seconde franchise la plus rentable derrière un autre anglais, Harry Potter, qui a rapporté, lui, plus de 7 milliards de dollars en seulement 8 films. Le film des Spice Girls, c'est pas dans la... Non, celui-là, non, celui-là est à la fin de la liste. Ah, juste avant Justin Bieber et Katy Perry. James Bond, c'est aussi un budget cumulé de 1,277 milliards de dollars, 45 James Bond Girls et enfin 11 réalisateurs pour 23 aventures. Alors que dire de ce nouvel opus? On sait que le MI6 va être mis à mal et que M, toujours interprété par Judi Dench, ne peut plus faire confiance à personne mis à part 007. Bond va devoir opérer dans l'ombre, aidé notamment par Ben Whishaw, interprète du nouveau Q, fournisseur officiel des gadgets de James Bond qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis Meurt un autre jour en 2002. Et l'acteur était décédé? Est-ce qu'on, que c'est pour ça? Alors en fait, il y a eu un autre remplaçant de Q, c'était pendant Le Monde ne suffit pas. Donc le vieux a été remplacé par un autre acteur, je me souviens plus de son nom, qui avait joué le rôle pendant le dernier film de Pierce Brosnan. Okay. Et après, depuis Daniel Craig, on l'avait pas vu. Mais oui, le premier acteur est décédé. D'accord. Le premier acteur qui jouait Q depuis le premier film, quand même. Ah. Donc, on sait aussi que Javier Bardem interprète le méchant de l'histoire, Raoul Silva, et qu'il fait très peur parce qu'il est méconnaissable, teint en blanc. 007 sera bien évidemment accompagné de deux jolies jeunes femmes, à savoir Naomi Harris et Bérénice Malraux, une jeune Française qui débute au cinéma. Il y a pire comme premier boulot, faut l'avouer. Commence bien. Sachez enfin que le film est sorti en Europe le 26 octobre dernier. La presse le décrit comme un retour pertinent aux sources de la saga, avec toute la modernité qui contribue à renouveler le héros à chaque film. Cet opus commence sur les chapeaux de roue avec une poursuite spectaculaire d'une durée de 12 minutes que seul James Bond a la classe et le pouvoir de s'offrir. Le tout suivi par le générique interprété cette fois-ci par la chanteuse Adele pour notre plus grand plaisir. C'est peut-être pour cela que le film a enregistré des chiffres records depuis sa sortie. En effet, James Bond a engrangé 156 millions de dollars de recettes dans 81 territoires au terme de son deuxième week-end d'exploitation. Le retour de l'agent 07 affiche un total de 287 millions de dollars depuis sa sortie le 26 octobre. Et le film sort donc demain sur le continent américain pour le plus grand plaisir des fans. C'est comme, c'est pas un long délai, mais je trouve ça dommage que le film. En fait, c'est bien, tant mieux pour l'Europe d'avoir le film en premier, ce qui est quand même rare. Pour une fois que les Européens ont le film avant, je suis bien que je sois au Québec. à noter aussi qu'un James Bond 24 est annoncé pour l'automne 2014. Ah oui? Ouais. Ok. C'est 2 ans. C'est quand même un court laps de temps. En général, ouais, c'est 2 ans. Okay. Sauf quand il y a des problèmes de production. Là, ça fait 4 ans parce que la MGM qui produit le film a eu des problèmes financiers suite à la crise. Ah. Et du coup, ce James Bond-là a un plus petit budget que les autres, enfin que certains autres. Okay. Mais ils espèrent donc relancer la machine avec ça, puis Bilbo aussi qui va sortir pour les fêtes. Oui, le Hobbit, là. Oui. Ah, on l'appelle Bilbo le Hobbit. Oui, voilà, ouais. Bilbo le Hobbit. Oui. Oui, donc les internautes ont un moment cru que les épisodes 24 et 25 seraient un diptyque, autrement dit qu'il s'agirait de 2 épisodes suivis. Rumeur démentie par Daniel Craig lui-même en précisant qu'il était impossible d'en faire 2 à la suite dans la mesure où chacun met 6 mois à se tourner et qu'on ne peut pas écrire un long métrage en pensant au suivant. Et là, on continue dans l'univers des sagas avec plusieurs autres films à venir qui ne sont pas dans les James Bond. Oui, et on commence avec Wolverine. Le prochain film sur le mutant aux griffes d'Adamantium fera son retour dans les salles obscures le 24 juillet prochain. Hugh Jackman et James Mangold, réalisateurs du film, ont tenu un chat avec les internautes ce week-end. On y a découvert une nouvelle affiche du film. On a également appris que le film serait en 3D. Et le plus important, que l'histoire ne se déroulerait pas avant, mais après la fin de la saga X-Men, même si le passé de Logan continuera d'être exploré. On continue avec Arnold Schwarzenegger, The Governator, oh oui. qui devrait faire son retour dans Conan le Barbare. Après l'échec du reboot de Conan l'an dernier, les studios Universal Pictures viennent de donner leur accord pour la production de The Legends of Conan. Je sais, vous êtes choqués car vous venez de réaliser que se balader en pagne et sans chandail quand on a 65 ans, c'est un peu malsain. Il y a peut-être moins la forme que dans le temps. Oui, mais ne vous inquiétez pas pour autant, puisque l'histoire devrait se porter sur la fin du règne du roi Conan, alors pour ceux qui l'ont vu, s'ils se souviennent, qu'on apercevait à la fin du film de John Milius, et le film est prévu pour 2014. Donc ils vont complètement oublier le Conan de l'année passée, ils vont faire comme si ça avait jamais existé, ils vont continuer l'histoire à partir du précédent. Ouais, voilà. Ok, d'accord, je vois. On enchaîne ensuite avec ce qu'on peut appeler une supposition, le genre de choses pas du tout confirmées, à prendre avec des pincettes. C'est le magazine Variety qui annonce cette semaine que Jamie Foxx sera en négociation pour tenir le rôle du prochain méchant dans la suite de The Amazing Spider-Man. Donc l'extraordinaire Spider-Man ici, je crois. Oui, oui, oui. Toujours avec Mark Webb derrière la caméra et Andrew Garfield en homme-araignée. Donc l'acteur pourrait y jouer Maxwell Dillion, un homme qui a le don de contrôler et de produire l'électricité, autrement dit, il s'agirait d'Electro. Cette rumeur n'aurait pas pris autant d'ampleur sans un tweet posté par le principal intéressé, je cite « Dressed up as Electro for Halloween last night, costume fits well ». Ah, le costume me va bien, j'ai déguisé en Electro hier soir. En tout cas, avec ou sans Jamie Foxx, sachez que le film est actuellement en pré-production et qu'il est prévu lui aussi pour avril 2014 et que le premier film est disponible en DVD et en Blu-ray. Tant mieux, Jamie Foxx, j'aime bien, je le trouve très drôle. Ouais, après, Electro... On termine les news cinéma avec un Golden Globe pour Jodie Foster. Oui, il y a quelques semaines après avoir fêté ses 50 ans, le 19 novembre prochain, Jodie Foster recevra le 13 janvier prochain le prestigieux prix Cécile B. 2000 lors de la cérémonie des Golden Globes. Après Judy Garland, Charlton Heston et Buddy Adler, elle sera la plus jeune personnalité de l'histoire à recevoir une telle distinction qui salue depuis 1952 l'ensemble de la carrière d'un artiste. Il faut dire que le parcours d'actrice de Jodie Foster a commencé dès l'enfance. Elle a déjà reçu dans le passé 2 Golden Globes pour ses prestations dans Les Accusés et Le Silence des Agneaux, 2 rôles qui lui ont également valu des Oscars. L'an dernier, c'est Morgan Freeman qui avait reçu le prix Cécile B. 2000, un choix déterminé par le conseil d'administration des Golden Globes qui est composé de journalistes de la presse étrangère. Félicitations! On passe à l'actualité des séries. On parle de plusieurs finales qui s'en viennent bientôt, des finales annoncées. C'est triste. Oui, ça y est, on a la date de l'ultime saison de Spartacus. L'épopée finale du puissant guerrier Thrace emmené par Liam McIntyre. Faut savoir que le premier acteur qui jouait Spartacus est décédé apparemment. C'est vrai. Hein? Triste. La série prendra fin à partir du 25 janvier 2013 sur la chaîne câblée américaine Starz. Ce 3e chapitre, intitulé War of the Dane, donc la guerre des damnés, sera composé de 10 épisodes et verra Spartacus accomplir sa destinée tragique de chef de la rébellion contre Rome. La série sera diffusée sur Télé-Québec, qui n'a pas encore donné de date. Tant mieux, tant mieux. Ça va être bon à voir. Mais je me demande, est-ce que c'est la mort du premier acteur qui a fait... Tu sais, ils ont donné une deuxième chance à la série, clairement en ayant un deuxième acteur, mais après ça, ça a floppé, puis c'est pour ça que c'est parti. Je sais pas. Moi, je regarde pas, mais ça semble être une sorte de série plutôt longue, mais qui se diffuse sur très peu de temps. Donc peut-être qu'il reste un chapitre. Genre de mini-série, si on veut. Ouais, voilà. Okay. Peut-être qu'il reste un chapitre et qu'il fallait quand même le faire aussi. Vous voulez juste terminer l'histoire avec quelqu'un. On parle ensuite de Fringe. Oui, donc on a également la date de fin de Fringe. La série produite par J.J. Abrams s'achèvera au terme de sa 5e saison. Initialement prévue pour le 1er février 2013, la fin de la série a été avancée au 18 janvier avec un épisode d'une durée exceptionnelle de 2 heures qui sera également le 100e de la saison. On sait peu la série. De la série, pardon. Ouh là là, oui. Ouais, c'est le matin. On sait un peu de choses sur cet ultime épisode, si ce n'est qu'il se déroulera lui aussi en 2036, comme l'ensemble de la saison 5. Ben, Fringe, c'est une série très, très culte et diffusée à Fox. Donc, série culte et diffusée à Fox sont deux facteurs qui font que 100 épisodes, c'est extraordinaire. D'habitude, c'est genre 13, 6. Donc, non, 100, c'est très bien. Je pense qu'il devrait se contenter de ça, J.J. Abrams. Félicitations pour d'avoir duré aussi longtemps sur un réseau qui donne aucune chance à absolument rien. Il y a aussi Gossip Girl. Et oui, on termine avec la triste fin programmée de Gossip Girl. Oh, sniff sniff. Pour l'occasion, The CW déroule le tapis rouge pour la jeunesse dorée de Manhattan avec une soirée spéciale programmée le lundi 17 décembre. En effet, avant la diffusion de l'épisode final d'une durée de 2 heures sobrement intitulé New York, I Love You, XOXO. It's back. La chaîne proposera une rétrospective sur les 6 années du show ainsi que des interviews des acteurs et des membres de l'équipe technique. Mais nous, on veut juste savoir un truc, c'est qui est la fameuse blogueuse qui a tant fait jaser pendant tout ce temps. Alors les producteurs ont promis que son identité serait révélée ainsi que d'autres nombreuses surprises, à savoir que d'anciens personnages de la série feront leur apparition dans cet ultime épisode. Moi je serais prêt à gager que ça va être une vedette. Non, hein? Peut-être que ça va être joué par une vedette, ce rôle-là. Le rôle moi, je pensais à une geek renfermée dans sa chambre. Ok, moi, ouais, c'est ça. Ouais. Faut dire, j'ai pas regardé la série. Là. Non, moi non plus. Les 6 ans ont passé comme vraiment rapidement. Je l'ai pas vu passer du tout. Mais Gossip Girl, au Québec, c'est l'élite de New York. Ça joue à ouais. Vrak TV. Ensuite, on enchaîne en musique un peu. Et oui, s'il y a des fans de Coldplay sur les ondes qu'ils se réjouissent plus que Will Champion, le batteur du groupe, vient de rejoindre le casting de Trône de Fer. Game of Thrones. Oui. Alors que le tournage de la saison 3 est actuellement en cours, HBO n'a pas donné plus de précision sur le rôle du batteur dans la série, si ce n'est qu'il jouera un batteur. Oh bon, il y avait des batteries dans ce temps-là. Un batteur qui joue à un batteur, quoi de plus normal en fin de compte. Reste à savoir comment le musicien sera intégré à l'intrigue. On se demande également si sa participation est liée à celle de Gary Lightbody, chanteur du groupe Snow Patrol, qui a également rejoint le casting de la série. Il faudra en tout cas attendre le 31 mars 2013 pour voir le premier épisode de cette nouvelle saison diffusée. Je sais pas, c'est comme les sportifs qui s'improvisent acteurs, ça marche jamais. Les sportifs qui jouent dans des séries télé, en tout cas, ben, on sait pas nécessairement que c'est des sportifs, mais quand tu le sais, tu vois qu'ils jouent mal. Des musiciens, je sais pas, peut-être. Mais c'est que il fait un drummer, puis il est drummer. C'est ça. C'est pas un rôle de composition. Peut-être qu'il jouera pas en fait. Enfin, il jouera que de la musique. Ouais, c'est ça. On termine avec NCIS sur CBS. Donc qui est diffusé, voilà, ok. La chaîne, pardon, annonce qu'elle travaille sur un double épisode qui pourrait déboucher sur un spin-off de NCIS Los Angeles. Lors d'une enquête, Callan et Sam travailleront avec une équipe mobile composée d'agents habilités à intervenir sur la totalité du territoire américain afin de résoudre des crimes particulièrement graves. Des agents très spéciaux qui vivent et travaillent ensemble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. NCIS et NCIS Los Angeles sont les deux séries les plus suivies à la télévision américaine cette année. La première rassemble pas moins de 19 millions de téléspectateurs et la seconde est suivie par 16 millions de personnes. La volonté de CBS est de développer la franchise un peu à la manière des experts. Ce pilote déguisé devrait entretenir l'appétit des fans, bien que ce ne soit pas sûr qu'il débouche sur une série indépendante. Donc, ce que ça veut dire, c'est que NCIS était sa propre série, est un succès depuis des années. Il y a eu une série dérivée NCIS Los Angeles avec, c'est qui, LL Cool J, je crois qu'il a dit. Ça joue à V, celui-là. Ouais. Et après ça, NCIS Los Angeles aurait son dérivé, lui aussi. Donc, il y aura un dérivé d'un dérivé. Moi, j'aime pas trop NCIS Los Angeles, moi. Non, t'aimes mieux la version originale. Ouais, Gibbs et... Oui. C'est comme dans les. Tu parlais des experts au Québec, ça s'appelle souvent CSI, les experts Manhattan, CSI New York. Ils mettent tous les titres en même temps pour que les gens essaient de comprendre. Il y en a plusieurs. Je sais pas, des dérivés de dérivés, je trouve ça dilué un peu, moi. Personnellement, j'aimerais mieux. Mais est-ce que ça pourrait pas desservir la série principale? Enfin, c'est ça la question. Aussi. Ouais. Mais bon. Que voulez-vous? Après, à savoir s'il y a un casting intéressant, ça peut être sympa. Oui, tout à fait. Ça dépend des gens qu'il y a dedans. Ça dépend du principe de la chose. Où ça se passe en même temps, les paysages, c'est beau des fois dans des séries. Là, en fait, c'est un peu à la manière d'esprit criminel. Ils se baladeront dans tout le pays. Ah, d'accord. Donc, Ben, il manque. Ils ont retiré CSI Miami récemment des ondes. Fait que là, il n'y aura plus personne avec des lunettes de soleil qui va comme faire un jeu de mots poche. C'est fini, CSI. Miami? Je crois Miami, celle avec David Caruso. Ouais. Ouais, qu'elle avait ses lunettes, là, ça faisait. Le genre de The Who qui chante. Je perds François-Olivier en ce moment. Ben, en fait, les séries télé, c'est pas... Les séries télé, en fait, j'écoute pas tant ça. Ramdam, même à ça... Sans plus. Donc, une autre chronique ciné télé la semaine prochaine. Maxime Béthu, merci. Oui, à 8h. Merci beaucoup. 8h, juste. On n'écoutera pas Adèle. À la place, on va l'écouter Anna Georges, une autre fille très qui chante, là, mais qui est sur notre palmarès anglophone. Voici Robotic. Assemblage Rocky. On revient avec C'est un fait, Kinky, Sexy, Time Edition. Ça va être osé. Another side on another. night, and it travels from heart to limb to pen. Gaslight Anthem et la pièce Unwritten, la pièce titre de l'album, hein, d'ailleurs. Mm-hmm, exactement. Hey, je sais pas si t'es prêt, François, là? Non. Non? Ben, prépare-toi pendant la pub, parce qu'après la pause, on va faire des affaires. OK. Avec des affaires. Je start ça. Dans des affaires, ah ouais. Start ça. Ben, c'est pour me préparer. OK. Non? T'as un appareil à demeurer pour protéger. Ah non, écoute, c'est beau. OK. Non, c'est pour me toi. Prépare. Alors, on vient tout de suite. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Lundi, à Assemblage requis. Véronique Mire sera présente pour sa chronique du bureau de la Régie étudiante. J'ai essayé de faire aimer présente étudiante. Et Alexandra Carignan culturisera nos cerveaux avec sa chronique Le temps d'une culture. Là, j'ai inventé un mot. Fait, tu vois, les gags, c'est non-stop. Hein? C'est, non-stop. Non-stop. Pas drôle, mais non-stop. C'est lundi, 7h, Assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Ouh, François. Ah, on a une émission occupée aujourd'hui, hein? Occupé. C'est un feu roulant. Occupé. Je vais t'essayer de là. Non. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que je trouve. C'est toi qui l'as dit, occupé. Oui. Mais c'est toi qui as retiré la lettre du mot pour la. J'ai pas retiré aucune lettre. T'as-tu une preuve de ça? T'as inséré des lettres. Qu'est-ce que tu veux que je t'insère? Est-ce qu'il y a un fantasme là-dessus, s'insérer des lettres, là, tu sais, le genre de l'alphabet, genre les aimants sur le frigeur? Ça se peut. Ça se peut très bien. C'est ce qu'on va apprendre tantôt. Oui, voici C'est un fait Kinky Sexy Time Edition. Mmh. Qu'est-ce que c'est bien? Je me trouve. Ça fait longtemps. Mon Dieu, incroyable. Mathieu Plante et François Villemarchand. Oh, ça allait être moins beau. Donc, non, ça faisait longtemps que je cherchais une intro un petit peu plus particulière. C'est l'ancien fond de David Ferron, je te dis. Oh, pour vrai? Pour vrai. Donc. Run, Jérémy, il fait pas de la musique, lui? Ouais. Je vais peut-être m'en servir, en fait, mais. Je trouve ça cliché, tout le monde. Ouais, mais c'est en même temps. C'est cliché, cette chronique-là. En effet, c'est tout sauf original. D'ailleurs, commençons par quelque chose de peut-être pas original parce que je sais pas si je l'ai fait celui-là. Vas-y, m'en t'en dire. Est-ce que t'es sûr que tu m'écoutes pendant mes chroniques? Ben, check-moi bien. Okay. La période refractory. Refractory period. Réfractory. OK, réfractaire. Mmh. C'est la phase après l'orgasme où c'est physiologiquement impossible. Ouais, tu l'as fait. Tu l'as fait. D'en faire un autre. D'avoir un autre. Ouais. Tu vois? Bon, ça commence très bien. Je t'écoute. Celui-là, je l'ai pas fait. Moins 321 degrés Fahrenheit. C'est quoi ça, tu penses? Moins 321 degrés Fahrenheit. Ouais, 321 degrés Fahrenheit, j'ai aucune idée. C'est la température à laquelle on garde le sperme dans des banques de sperme. Ah, oh, ouais, vraiment. Moins 321 degrés Fahrenheit. Ouais. Pas chaud? Et pas tellement chaud. Donc ça, c'est on peut le garder pour une période indéfinie. Toujours bon? Toujours bon, toujours frais. Toujours frais. Ah, l'infantilisme. Est-ce que tu sais ce qu'est l'infantilisme? Ben, tu peux t'aventurer. Les enfants? Les enfants, ouais, mais comment? Comment? Dans quel sens? Pas faire des choses avec des enfants, c'est ce que tu veux dire? Ben, ouais. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc l'infantilisme, c'est une paraphilie. C'est le désir de porter des couches et d'être traité comme un enfant ou comme un bambin. Ouais. La misophilie. Misophilie. Qu'est-ce que c'est? Misophilie. Ouais. C'est être attiré par quelque chose de sale. Donc quelque chose de souillé. Des matériaux sales. Ou par les gens qui sont sales. Misophilie. Eh bien. Eh ben. L'appareil féminin, l'appareil féminin sexuel, d'accord? Ce qu'on appelle le clitoris, un bout, OK? A aussi un corps et deux jambes, mais c'est seulement à l'intérieur du corps, on s'entend, OK? Le bout sensible est la seule partie qui est visible, mais il y a quelque chose derrière ça, OK? Dans l'appareil. C'est pas une petite pénate. Les humains sont pas les seuls qui peuvent avoir des relations orales. Okay. On parle aussi des cheetahs. Cheetahs, c'est quoi? C'est un... Des singes? Non, je pense que c'est un guépard. C'est une sorte de genre de guépard. Ah, OK. Ce genre dans la famille des chats. Les hyènes et les chèvres peuvent aussi avoir des relations orales. Bien. Selon un mythe chinois, un vieux, un ancien mythe chinois, deux parents bisexuels créaient automatiquement un enfant hermaphrodite. Hein? C'est un mythe. Le tamakeri est un fétiche japonais où les hommes, les hommes aiment se faire botter dans le paquet. Tu te fais botter dans le paquet. Puis t'es supposé mettre ça. C'est ça. Tamakeri, okay. C'est un fétiche. Okay. Avis sodomie. Qu'est-ce que c'est l'avis sodomie? Pense-y. Sodomie, on sait ce que c'est? Non, ouais. Peut-être? Ouais. Non? Oh ouais, on sait c'est quoi? Donc, c'est un humain qui a des activités avec un oiseau. Ah ouais? Avis sodomie. Bon, ça va. Les chimpanzés mâles, les ours et les chiens, et presque tous les mammifères, sauf les humains en fait, ont un os dans leur appareil masculin. OK? Ils ont un os. Et ben, les ours et les chiens, entre autres. Il y a au-dessus de 8000 nerfs, en fait, nerve endings, comment est-ce qu'on dit ça? Nerve endings, en tout cas, bref, des nerfs. Des terminaisons nerveuses. Terminaisons nerveuses, bravo. Et je pense que c'est le terme scientifique. Hein? Je crois que oui. Donc, il y en a 8000 dans l'appareil féminin, OK? Et c'est dédié exclusivement au plaisir. Ça n'a aucune autre utilité que le plaisir. Le pénis, je me suis même pas censuré ici. C'est un terme médical. À 4000 environ terminaisons nerveuses. 4000? Ouais. 4000 comparé à 8000. Seulement pour le plaisir. Voilà. L'hémétophilie. Hémétophilie, c'est un fétiche où tu aimes regarder quelqu'un vomir. Oh. Bon appétit. Ouais. Je pensais pas que ça existait. Non. Le troïlisme, maintenant, c'est l'intérêt... Les trolls? Les trolls, non. J'ai dit troïlisme. Ouais. Ouais, ça, c'est proche. C'est l'intérêt sexuel. Lorsqu'on regarde son partenaire romantique, donc copain, copine, avoir un comportement sexuel avec une troisième personne, donc avec une autre personne, c'est de s'allumer par ça. OK. Quand ton copain cruise... Ta copine... C'est pas cruiser, là. On parle d'avoir des actes sexuels, non? Attends un peu. C'est-à-dire comportement sexuel. Ouais, OK, ça veut dire. Oui, probablement. C'est quoi un comportement sexuel? Je sais pas, mais c'est ça. À déterminer. Il y a plus d'un... Plus d'un demi-million de personnes aux États-Unis qui sont dans une relation polyamoureuse. Polyamoureuse, ça veut dire qui sont dans une non-monogamie éthique, qu'on appelle. Sujet de l'heure, d'ailleurs, hein, ça passait à... là, j'ai tout le monde en parle, mais c'est pas ça du tout. C'est les francs-tireurs. Okay. Ouais, c'était un homme, en fait, là, qui racontait son histoire avec ses deux femmes. Puis, écoute... sont heureuses là-dedans, les femmes aussi. Ouais, ouais. Et puis, il y a un enfant avec une femme, ouais. Et puis l'autre en veut peut-être en avoir un autre. En tout cas, ça avait l'air relativement... Ça me dérange pas, moi. Non, c'est ça. Ça sort de l'ordinaire, tout simplement. Ben, c'est ça, parce que la convention sociale... C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, écoute, si c'est eux autres qui vivent ça, là, oui. En fait, s'ils sont heureux là-dedans... Pourquoi les juger? Et, tout à fait. Tout à fait. La somnophilie, c'est... Non, c'est quand quelqu'un a des relations en dormant. En dormant. OK. Donc, dans son sommeil, il ne s'en rend pas compte, le lendemain matin. Ça y est. OK. C'est peut-être dû à l'alcool, hein? Peut-être. L'histoire du poids. On a beaucoup de définitions aujourd'hui. La dacryphilie, c'est une paraphilie. Dactylo? Okay. Non. Dactylo. C'est beau, tu fais ça avec une dactylo. Il y a rien qui me surprend maintenant. Là. Return. Avance. Return. Gauche, droite. C'est lorsqu'on est allumé, voilà, par les larmes ou les pleurs. Ah. La dacryphilie. Ça t'allume. C'est ça. OK. Certaines personnes. Une femme a eu un hickey, une sucette, dans le cou ou ailleurs, qui l'a temporairement paralysé. C'était tellement profond, il a tellement aspiré que ça a fait un caillot de sang dans son artère. C'est moins dangereux, ça. C'est vraiment dangereux. L'orgasmalgie. Encore une fois, je traduis à la volée des mots en anglais. Orgasmalgia. C'est une douleur qui arrive lors de l'orgasme. OK. Ça fait mal. Ça fait mal, l'orgasme. Et l'orgasme s'arrête. Ça s'arrête tout de suite, j'imagine. Parlant d'orgasme, l'orgasme masculin moyen dure 6 secondes. OK. J'aurais dû te le demander en devinette, 6 secondes. Et combien de temps pour la femme? Je sais pas. C'est pas une bonne question. 23 secondes. OK. Ouais. Plus longtemps? Plus longtemps, quand même. OK, les premiers tampons, ou certains des premiers tampons, on sait pas si c'est vraiment les premiers, c'était fait avec une branche de bois, okay? Entourée de mousse, genre de lint, là, de la mousse, là, de la mousse autour d'une branche. C'est ça. Ah oui. La pistanthrophobie. Pistanthrophobie, c'est la pistanthrophobie. Ouais, c'est la peur de faire confiance aux gens à cause de mauvaises expériences dans ton passé. T'as de la pistanthrophobie. OK. Et pendant les relations sexuelles, ouais, les seins de la femme augmentent de 25%. Et c'est juste, c'est vraiment le fun. Je pense. Quoi? Encore une fois, je pense que je l'avais déjà fait, celle-là. Mais quand même, ça m'a inspiré la pièce des petits seins de chocolat. Ils grossissent de 25%. Et la hauteur de la tétine augmente de demi-pouce. C'est ici. Petit sein. Sous la pluie, c'est comme de petits fruits. Désolé de t'avoir blessé. Chocolat a été petit sein sur leur album Piano élégant. Toujours dans la chronique, c'est un fait. Sexy time edition. Oh oui. Fait chaud en studio. C'est kinky. Bon, donc, deuxième partie c'est de la chronique. C'est quoi, c'est kinky? C'est kinky, voyons, ah, kinky. Non. C'est le nom de la chronique, oh, kinky. Oh non, mais écoute, j'avais compris, semi, en fait, un mélange de caca et de kiki, là, c'était quoi? Où est-ce qu'il va s'en aller avec ça? Bon, mais t'as dit kinky, c'est correct, c'est correct. En tout cas, OK. Hey. Bon, il y a une sorte de poisson qui s'appelle les cuttlefish. Cuttlefish. Cuttlefish. Cuttlefish. Et ça sert à quoi? Ils sont... et là, est-ce que je peux utiliser le mot... Non. Ils se... C'est clair, là. Tu sais, quand on se touche. OK, ouais. Mais chronique. Eux, c'est chronique. Ils font ça... Non-stop? Non-stop, c'est ça. Les seules fois qu'ils arrêtent de se toucher... C'est quand ils mangent. OK. Et s'ils ont encore l'énergie de s'accoupler, c'est qui fait ça? C'est les cuttlefish. C-U-T-T-L-E. C'est quoi un cuttlefish? Ben, c'est un poisson, une sorte de poisson. Ouais. J'ai pas cherché la traduction en français, là. Bon, c'est pas, hein? Un peu. Cuttlefish. Cuttlefish. C'est un beau petit poisson, hein? Ouais. Je sais pas. Pas grave. Un sondage nous apprend que les personnes mariées se touchent plus que les personnes célibataires. Étrange, hein? Ouais, non, mais pour vrai, c'est étrange. Mais non, on a cassé, c'est étrange. Mais c'est étrange dans ça, ouais, t'es célibataire. T'as plus de besoins quand t'es célibataire. Mais t'as plus de besoins, l'opportunité est beaucoup moins là. Tu sais, dans le sens, si t'es marié, tu dors, ben, pas nécessairement avec, mais tu la vois pratiquement. En fait, t'as une compagnie. C'est niaiseux, ce fait-là, là. Ouais, ouais, c'est tout à fait niaiseux, mais c'est. En tout cas, bref. Non, c'était pas logique. Non, je sais pas, non? T'as plus de temps quand t'es célibataire. Et ouais, moins de personnes pour te découvrir en train de le faire, fait que tu fais plus, non? Dans ma tête, tu le fais plus. Mais non, non, mais en fait, t'es moins. Théoriquement, t'es moins disponible à le faire parce que, justement, il n'y a pas personne. Donc, tu t'occupes autrement. Je sais pas. OK, peut-être. Peut-être. Non, pas. Mais c'est-tu de te toucher toi ou de te toucher l'autre? C'est de te toucher toi. C'est, ah, de toucher toi. Okay. Mais c'est parce okay, que... OK, je pensais que tu parlais okay. De toucher l'autre. Mais non. Ah, OK, OK. Okay. Ouais, là, ouais, c'est un peu bizarre. Ça a du sens. Oh, okay. Ouais. On annule tout de la conversation. C'est pas grave. Okay. C'est le projet. C'est très drôle. 40% des étudiants au collège connaissent quelqu'un qui a couché avec un professeur ou un assistant, un chargé de cours, un truc comme, tu sais, quelqu'un d'importance comme ça. 40% des étudiants au collège ou à l'université. 40%? Selon une étude. Connaissent quelqu'un qui a... Ah, oh, OK, ouais, ouais. La phrase au complet, ensemble, pas oh, 40% des gens ont fait ça, oh, 40% des gens connaissent quelqu'un qui... Quelqu'un. Ouais. Des fois, les phrases sont faites bizarrement. Ensuite, on dit que c'est impossible pour un homme d'éjecter. Et d'uriner en même temps. Tu comprends? Oui. C'est possible? Ben, c'est ça. Parce qu'il y avait un mythe par rapport à ça. Mais ça sort de la même place, hein? Mais c'est ça, mais c'est impossible de le faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pourcentage de femmes qui croient, en fait, qui disent qu'elles auraient, si elles en avaient la chance, qu'elles auraient des relations avec un étranger pour $1 million. Le pourcentage de gens, de femmes, qui auraient des relations avec un étranger pour $1 million. Combien de pourcents? 67. Non, tu t'approches à 60, plus 58%. Ah oh. 58. Oh. Plusieurs femmes disent que ne pas avoir de préliminaires est la raison la plus commune pour laquelle, dans le fond, ils sont incapables d'avoir un orgasme. C'est de ne pas avoir eu de préliminaires avant les relations. OK. C'est la relation qui sera la raison qui ne se rendent pas. Eh bien. Difficile, les phrases, aujourd'hui. Une condition... non, attends. Pas celle-là. L'autre. C'est possible pour l'engin féminin littéralement de tomber. Ça s'appelle pelvic prolapse. Ah ouais, tomber. Tomber. Tomber. Sortir. Sortir. Sortir. Attends, c'est sorti à matin. Okay. Le sperme contient les mêmes protéines qu'on trouve dans le moisturizer pour la peau. Là. Comment t'appelles ça, le truc de moisturizer? Hydratant pour la peau. Anti-rides. Même chose que dans même ça. Chose. Même chose. Les adultes ont plus de chances de mentir au lit que n'importe où ailleurs. Ils mentent au lit le plus. Oh. Quand t'es au lit, tu mens. Une femme sur quatre ne se souvient pas de tous les hommes, du nom de tous les hommes avec qui elles ont couché. Hey, c'est pas super beau, un cadeau de fiche. Danny Janvier nous a envoyé le lien. Merci, Danny, d'écouter. Sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Puis, Non? Bon. En tout cas, ben, sachez, imaginez-le en train de se toucher toute la journée. Ouais. Même si le pénis n'est pas un os, comme on a dit dans la précédente partie de la chronique, là, on parlait qu'il y avait des animaux qui avaient un os dans leur engin. Ouais, même si le pénis n'a pas d'os, on peut quand même le fracturer. On peut se fracturer l'engin. C'est vrai! Ben voyons, je te jure! Une fracture du pénis. Il y a un épisode du Drew Carey Show là-dessus. Très bon. Ça. OK, tu devrais faire au moins 20 minutes de préliminaire avant les relations. Ce qui va t'allumer encore plus toi-même, il va allumer l'autre personne et ça va rendre les relations pas mal meilleures. On dit 20 minutes. Au moins 20 minutes de préliminaire. Eh bien. C'est un peu long. 80% des premières expériences sexuelles de personnes qui sont au collège, donc d'étudiants à l'université, au collège, n'importe quoi, 80% de leurs premières expériences ont lieu sous l'influence de l'alcool. Pas très surprenant. 80%. Ouais. 80%. L'appareil féminin maintenant est le seul organe du corps humain qui ne sert qu'à une seule chose, le plaisir. On a parlé un petit peu tantôt, mais quand même, c'est un peu la même chose. Mais une femme sur cinq se touche une fois par semaine. Une femme sur cinq. OK. Les femmes disent que leur partie préférée, favorite du corps d'un homme est quoi, selon toi? On joue à la tombe crochue, vu que tu n'as même pas qu'Alexandre Barrette. Hein? Les fesses. Les fesses, c'est exactement ça. Les fesses. Super. Il nous en reste juste quelques-uns, on se dépêche. Les femmes disent que la grandeur de l'appareil masculin est la 9e chose la plus importante pour chez l'homme, dans le fond. Alors que les hommes disent que c'est la 3e place. OK. Qui pensent que les femmes pensent que. Tu comprends? Dans le fond, les hommes pensent que les femmes disent que c'est la 3e position. La maïeuxiophilie est un fétiche pour les femmes enceintes. Maïeuxiophilie. Et la dendrophilie, finalement, c'est des gens qui sont attirés par les arbres. OK. Dendrophilie. Eh bien. On termine là-dessus, 45% des billets de 1$, les billets américains de 1$. Il y a du sperme dessus. Non, sont passés dans le G-string d'une danseuse. 45%. Super, hein? Sacrifice. On aime ça? Énorme. Ben. C'est nous. Wow. Génial. Pour Kinky Sexy Time Edition. Kinky. C'est ça. Il manque qu'un gars qui est capable de formuler ses phrases comme il faut, puis ça fait une méchante bonne chronique. Devil's Got a Gun de White Horse. Oh, wow, formidable. Numéro 1, je pense, du palmarès, hein? Tout à fait. Donc pourquoi ne pas le jouer? Et juste là, à l'instant, pour vous, à la radio. Wouh! Wouh! White Horse, Devil's Got a Gun à Assemblage Requis. C'est ce qui va terminer l'émission dans quelques secondes. On va se retrouver lundi entre 7h et 9h avec une autre toute nouvelle édition. Véronique Mire va être là pour sa chronique du bureau de la Reste étudiante. Donc aussi Alexandra Carignan et sa chronique Le temps d'une culture. Restez à l'écoute parce que dans quelques minutes, ce sera l'émission La Belle et les Bêtes. Une toute nouvelle émission ici assez fou qu'on adore. C'est une émission parlée principalement, donc des sujets les plus variés, n'est-ce pas François? Tout à fait. Ouais, ensuite à 11h, ce sera le dîner de compte avec David Janvier. Je serai de retour à 15h avec les palmarès et fous en compagnie d'Alexandra Carignan. Et puis après ça, soir au coin du feu avec Mathieu Roy de la GEQTR. Après ça, c'est d'électronique, 13e étage à 19h et électro-tactile à 21h. Oublie pas d'écouter les meilleurs moments. Je les écoute tout le temps. C'est vendredi, ma parfait, ça. Vendredi à 10h et samedi à midi, ça s'appelle Le meilleur de ces fous avec ben, le dîner de cons et Assemblage Ricky ensemble, hein. Bon, bon. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Matt. Écoute, on se revoit lundi. Oui, 7h. Peut-être avec la neige. Peut-être. C'est l'histoire-là du sport. Je sais pas, on va bien voir. Pour l'instant, on se quitte avec Peter et Carousel. Peter. Bye. Allez trouver un cuttlefish là, sur Google. Si vous voulez vous débrouiller encore beau. Plus. Pour savoir comment te consoler.